C'était une fille énigmatique, sans trop d'éthique, plutôt joviale, pas très sociale, mais sympathique. Toute petite, elle crée son monde magique, secret, sûr et unique. Et elle s'y cache quand ses parents se fâchent et coupent toutes ses attaches. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est s'évader, vivre un peu, s'en aller loin d'ici, se créer une nouvelle vie. Sans ses parents, sans toutes ces questions d'argent, sans le boulot qui l'oppresse, et les études qui la stressent, et le chien du voisin qui aboie tous les matins. Adolescente, elle pense que les gens lui mentent et ne leur fait plus confiance. Elle perd patience, cherche un nouveau sens, elle prend de la distance. Elle se fout bien de la bienséance et rêve et vit à outrance. Elle veut des envies qu'elle a choisies, pas qu'elle subit. Et un beau jour, insouciante, elle va voir tous ces gens si défiants. Elle leur dit: je me casse loin d'ici, je me fous de votre avis, j'ai besoin d'espace, mes rêves s'encrassent, ne m'en voulez pas, je fais tout ça pour moi. Père solitaire, elle se libère du terre à terre, des trois fois rien qui se calfeutre entre quatre murs. Sans didactique, elle nous explique: on n'a pas 100 ans, faut vivre son temps, et de temps en temps, ses sentiments. Et un beau jour apaisé, elle rencontre ses idées, et les fixe et décidée. Funambule affairée sur leur fil emmêlé, elle les range, les échange, les mélange, les vidange, elle les classe, les pourchasse, pile ou face, elle sauve la face. Son éthique problématique, elle l'a cherché, elle l'a cerné, sans se soucier des pragmatiques. Elle a atterri, je passais par là, pile dans mes bras, j'ai tant aimé ce petit côté charismatique. C'était une fille énigmatique, sans trop d'éthique, plutôt jovial, pas très social, mais sympathique.